Nyangi. Mardi 10 juillet, bonjour fidèles auditrices, auditeurs de la radio Isanganiro. Bienvenue à l'écoute de cette édition dont voici les grandes articulations. La décision de la ministre de l'Éducation interdisant les filles qui tombent enceintes de ne pas suivre l'école formelle ainsi que les garçons auteurs de ces grossesses est différemment accueillie. Le professeur Paul Ngarambe demande au ministre de sursoir à sa décision. Et dans un point de presse de ce mardi, le porte-parole de ce ministère parle d'une formation professionnelle plus prometteuse. Plus de 400 malades mentaux ont été accueillis par le centre neuropsychiatrique de Kamenge dans trois communes de la province Muyinga durant le seul mois de juin de cette année. Vous l'entendrez dans ce journal. Et une amende de 200 000 francs burundais, tel est le jugement rendu hier par le tribunal de grande instance de Moaro à l'endroit d'un avocat accusé d'outrage au magistrat en siège, ce qu'il réfute. La chronique santé de ce mardi, le gynécologue Innocent Deikunda nous parlera de l'infertilité d'un couple. La mise en onde de cette édition est assurée par Eli Kadogo. Bienvenue. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Bonjour, page sécurité pour débuter ce journal. Une personne nommée Rwasa Emmanuel a été tuée hier soir par balle. Le propriétaire d'un magasin de Ngarama blessé par balle. Une somme d'argent et d'épargnes inconnues ont été volées dans la nuit de ce lundi sur la colline Rwisuri, commune Vumbe en province Kirundo. Une information que nous devons au porte-parole du ministère burundais de la sécurité publique qui indique que les enquêtes sont en cours. Et que les enquêtes sont en cours pour arrêter trois personnes soupçonnées. La même source policière indique qu'en commune Rugazi, un élève connu au nom d'Ernest Banzubaze de la seconde lettre moderne a blessé son enseignant, soi-disant parce que celui-ci est l'auteur de son échec. Cet enseignant est en train d'être soigné à Bujumbura, selon toujours les sources policières, tandis que les enquêtes sont en cours pour traquer l'auteur de ce forfait qui est en cavale, indique Pierre Nkurikiye, porte-parole du ministère burundais de la sécurité publique. Toujours en page sécurité, certains étudiants de l'université du Burundi, campus Mutanga, disent être inquiétés par des tracts récemment trouvés à ce campus. Un de ces étudiants estime que ces tracts seraient liés à l'arrestation récente de leurs camarades. Ils soupçonnent des mobiles politiques à l'origine de ces tracts vu leur contenu. On l'écoute. À 23h, j'ai vu un tract me disant que si je ne me soumets pas, il va me sanctionner. Je serai chassé. C'est pour cette raison que je dis vraiment un tract, je l'ai vu dans ma chambre. Jusqu'à présent, on ne peut pas dire celui qui a mis le tract. Seulement si on analyse le contenu du message, on peut identifier celui qui est à la tête, l'auteur de ce tract. J'ai dialogué avec mes collègues qui ont eu ce tract. Ils ont essayé de voir monsieur le chef chargé de sécurité, mais ils l'ont manqué, raison pour laquelle jusqu'à présent nous attendons cet agent de sécurité à l'Université du Burundi. Notre souhait est que l'Université du Burundi doit prendre en main cette question de sécurité, car personne ne peut dire qu'il y a la sécurité totale à l'Université du Burundi, compte tenu de certains étudiants qui ont été emprisonnés, mais que jusqu'à présent, on ne sait là où ils sont incarcérés. C'est pour cette raison que nous demandons à l'Université du Burundi de lever la voix et de dire là où nos collègues sont emprisonnés. Et malgré cet incident, le recteur de l'Université du Burundi tranquillise que la sécurité est au bon fixe dans les enceintes de l'Université Campus Mutanga. François Havyarimana précise que toutes les activités quotidiennes sont faites comme à l'accoutumée. Sans transition, Page santé de ce journal, plus de 420 malades mentaux, y compris des épileptiques, de trois communes de la province Muyinga ont été recensés par le centre neuropsychiatrique de Kamenge CNPK durant le mois de juin de cette année. Les précisions sont du chargé des projets à ce centre. Mouamba Jules indique en outre que le projet d'intégration des soins de santé mentale a été effectué dans les provinces de Changuzoru, Yigirutana et Makamba. Et dans cette province de Makamba, plus de 1700 patients ont été accueillis sur 12 mois suivis. Nous sommes en train de faire ce que nous appelons l'intégration des soins de santé mentale dans les formations sanitaires de ces provinces, dans le cadre de promouvoir l'accessibilité des soins de santé mentale à la population. Parce que le centre neuropsychiatrique de Kamenge, est communément appelé chez le gentil, est éloigné des différentes zones, surtout ces zones que je viens de citer. Donc, pour une personne qui souffre d'une maladie mentale de Changuzo, Ruyigi, Muyinga, Makamba, Rutana, se déplacer vers Bujumbura pour chercher les soins de santé mentale, vous voyez, c'est une longue distance. À Rutana, nous avons accueilli 1050 patients pendant 6 mois. C'était en 2016. En 2017, nous avons travaillé dans la province sanitaire de Makamba. Pendant 12 mois, nous avons accueilli 1784 patients. Actuellement, nous sommes en train de faire le même travail, c'est-à-dire l'intégration des soins de santé mentale dans la province sanitaire de Changuzo, Ruyigi et Muyinga. Au mois de juillet, cette année 2018, dans les hôpitaux de Changuzo et Ruyigi, nous avons accueilli 219 patients. Tandis qu'à Muyinga, dans les hôpitaux de Giterani, Gashoho et Muyinga, nous avons accueilli au mois de juin 2018 422 patients. Ce chargé des projets au CNPK demande au gouvernement de faciliter ou de rendre gratuits les soins de santé des malades mentaux à l'image des personnes vivant avec le VIH, SIDA et la tuberculose, vu également la cherté des médicaments. Toujours en page santé, le directeur du département de la pharmacie, médicaments et laboratoires des PML dit être au courant des vendeurs des compléments nutritifs qui affirment que leurs produits traitent différentes maladies. Emmanuel Amenye-Kané dit que pour qu'un produit soit considéré comme médicament, cela résulte d'un long processus de recherche et d'analyse. Il déplore le fait que les distributeurs des dits compléments alimentaires n'ont pas de connaissances requises en la matière. Selon lui, les médecins sont les seuls capables de proposer une alimentation en complément des médicaments prescrits à un patient. Je vous prie de le suivre au micro de Charles Macôte. Un savant, Socrate, disait que notre premier médicament soit notre alimentation. Et je pense que ce qui développe actuellement cette théorie de complément alimentaire se base quelque part sur ce principe. Et effectivement, si on mangeait correctement, on devrait éviter la plupart des maladies qui nous arrivent, parce que les maladies sont une conséquence d'un dysfonctionnement dans notre alimentation. Sinon, les médicaments sont des produits qui viennent corriger les dysfonctionnements de l'organisme, mais les médicaments ont un processus bien connu, bien développé scientifiquement pour qu'on puisse attribuer le nom de médicament à un produit qu'on ingère dans notre organisme. Or, actuellement, il y a des businessmen qui ont compris que nous vivons un monde qui n'est pas sain, dans lequel nous ne mangeons pas sain, où on est stressé par un certain nombre de choses, et qui nous apportent ce qu'ils appellent des compléments nutritionnels pour corriger ce que nous avons rencontré dans notre environnement. Mais le pire dans tout ça, c'est que les compléments alimentaires qu'on donne sont donnés par des gens qui ne sont pas des professionnels de la santé et sont donnés à des gens qui n'ont pas la connaissance complète de leur utilité. On se retrouve devant deux problèmes majeurs. Le premier, c'est qu'on prétend qu'on les soigne toutes les maladies. Or, à l'heure actuelle, il n'y a aucun composant chimique ou nutritionnel qui peut soigner toutes les maladies. Ça, c'est demain. C'est de l'arnaque. Deuxièmement, c'est que ces compléments, on se rend compte que ça coûte trop cher. Alors qu'à un certain moment, quand on les prend, on risque d'oublier les médicaments qui ont été prescrits par des médecins et qui avaient une plus-value chez des personnes qui se soignent. Si bien qu'on conseillerait plutôt que les gens continuent à s'adresser aux médecins. médecin qui lui prescrit des médicaments connus qui ont passé toutes les étapes de mise sur le marché. Et au besoin, le médecin peut dire, écoutez, vu votre situation, on peut vous prescrire un complément alimentaire tel. À 13h05 dans les studios de la radio Isanganiro, poursuivant ce journal par la page éducation. Le professeur d'université Paul Ngarambe critique la mesure du ministre de l'éducation qui interdit les filles qui tombent enceintes et les garçons auteurs de ces grossesses de regagner l'école fondamentale, bien qu'il considère que les préoccupations du ministère de l'éducation de mettre la rigueur dans le système éducatif soient fondées. Paul Ngarambe demande au ministre de l'éducation primaire et secondaire de surseoir à sa décision et de mener des consultations avec les concernés avant la mise en application de la dite décision. Je vous prie de le suivre au micro de Namia Daikej. Je veux d'abord exprimer mon appréciation très positive du souci de Madame la ministre de pouvoir donner une bonne orientation à l'éducation. Mais je suis en train de me dire, est-ce qu'avec une telle mesure, est-ce que Madame la ministre obtient le résultat escompté à ce niveau là-bas, que j'ai même des hésitations quant à la mise en application de cette mesure. L'élève fille a eu cette grossesse, mais ça peut être par ignorance. Alors, quand on la met à la porte, il faut d'abord signaler que le garçon auteur de cette grossesse peut jurer et dire que ce n'est pas vrai. Les garçons diront toujours que c'est pas vrai. On va toujours charger les jeunes filles. La mise en application d'une telle ordonnance risque d'avoir l'effet que la plupart des jeunes filles vont vouloir enlever ces grossesses. Qu'il faille mettre la discipline dans une école, oui. Que l'on puisse peut-être changer l'élève, qu'elle aille à tel endroit, qu'elle sait cependant un an, le temps que l'enfant grandisse un peu, et puis, mais l'enfant, de toute façon, a le droit d'être à l'école. C'est dans le droit des enfants. Je fais remarquer au passage qu'une telle ordonnance est vraiment contre le droit de l'enfant. L'enfant, tant qu'il est encore à l'école secondaire, quel que soit son âge, il est assimilé aux mineurs. Professeur Paul Ngarambe, en tant que parent, qu'est-ce que vous demandez à la ministre de l'Éducation concernant cette décision? Non, Madame la ministre, patientez un peu. Demandez un peu à vos conseillers, qui sont aussi pères et mères de famille, de savoir si une telle mesure devait être prise à l'endroit de leur propre enfant. Ils vont réagir comment? Convoquez un peu des comités de parents. Il y en a un peu partout dans le pays pour que vous puissiez parler un peu de cette mesure là-bas. Ce qu'il faudrait pour pouvoir mettre de l'ordre et de la discipline dans les écoles. Sur cette décision, Jouma Edouard, porte-parole du ministre burundais de l'éducation, explique que la formation professionnelle est plus prometteuse que la formation traditionnelle. C'était ce mardi au cours d'un point de presse. Je vous prie de le suivre. La plupart des gens ont une représentation fausse de l'enseignement professionnel. Parce que l'enseignement professionnel, comparativement à la filière lettres que nous appelons actuellement langue ou la filière scientifique, vous ne pouvez pas prouver que l'enseignement professionnel est moindre par rapport à ces filières. Au contraire, aujourd'hui, même la politique de l'État se fonde sur la promotion de l'enseignement des métiers, sur la formation professionnelle. C'est que ce sont un domaine, en termes de profil spécifique, c'est un domaine qui est plus avantageux. En termes d'opportunités d'emploi ou de création d'emploi, c'est un secteur qui est plus porteur. Je crois qu'il y a une fausse représentation. Le fait que ces élèves peuvent être réintégrés dans l'enseignement professionnel, je crois qu'il ne faut vraiment pas négativer ça. Il faut se positiver plutôt, parce que là, ça donne plus d'opportunités, plus de possibilités aux élèves concernés de pouvoir s'épanouir davantage qu'à travers des filières traditionnelles d'enseignement général. Peut-être qu'il faudrait qu'on développe une communication pour leur montrer que l'enseignement des métiers, le secteur de l'enseignement professionnel est plus porteur que la filée de langue. Mais c'est volontaire. Celles plutôt qui voudront bien reprendre, l'opportunité leur est offerte. Donc, ne parlons pas de sanctions dans cette phase-là. Juma Edouard, porte-parole du ministère burundais de l'éducation, de la formation technique et professionnelle. Et ce même ministère a pris une décision de sanctionner par le règlement type pour les écoles fondamentales et post-fondamentales les lauréats de la 9e année qui n'ont pas respecté le règlement scolaire et qui ont déserté l'école. Juma Edouard, toujours au cours de ce même point de presse de ce mardi, a précisé toutefois que même la note obtenue au concours national de certification et d'orientation sera annulée. En page culture, les problèmes survenus dans l'organisation de la compétition Miss Burundi édition 2018 n'ont pas encore parvenu au ministère de la Jeunesse et Sport. C'est du moins ce qu'indique le directeur général de la culture. Cependant, Léonard Sinzinger promet que le ministère est prêt à apporter sa contribution dans la recherche de la solution si l'une ou l'autre partie prenante dans le conflit venait solliciter ses bons offices. C'est suite au retrait des 16 candidates de la compétition Miss Burundi à 2 semaines de l'événement finale. Cette compétition est organisée par la société Burundi I20. Et en page justice, une amende de 200 000 francs burundais et le jugement rendu hier par le tribunal de grande instance de Moaro à l'endroit d'un avocat connu sous le nom de Mathieu Joël Ndi Hokubgayo lors d'un procès de flagrance de l'après-midi de ce lundi. Le parquet a accusé ce maître avocat d'outrage au magistrat en siège Scanillé ce dernier. Une information que nous devons à notre correspondant en province, Moaro, Laurent Ndikuriyo. Radio Isanganiro, chronique santé. La chronique santé de ce mardi nous parle de l'infertilité du couple. Elle est définie comme étant une absence de grossesse après plus de 12 mois de rapports sexuels réguliers sans contraception. Le gynécologue Innocent Daikunda fait savoir que l'infertilité peut provenir de certaines anomalies de la femme et de l'homme et le vecteur âge touche la femme. Dans certains cas, des examens cliniques complets vont permettre de trouver une solution à ce problème. Les détails avec Alida Daikiz. La fertilité correspond à la capacité pour un couple de concevoir lorsqu'au terme d'une année ou deux ans de rapports sexuels réguliers et non protégés ne survient toujours pas de grossesse. On parle d'infertilité de ce couple selon le gynécologue Innocent Ndeikunda. Un couple stérile est un couple qui ne parvient pas à avoir des enfants. Une grossesse, je veux dire, après deux ans de rapports sexuels réguliers, c'est-à-dire au moins 3 rapports sexuels par semaine, sans aucune notion de contraception et des rapports sexuels qui sont dits complets. Plusieurs facteurs entraînent l'infertilité d'un couple. Le docteur Innocent Daikunda commence à nous dire les anomalies qui peuvent causer l'infertilité chez la femme. La femme peut devenir stérile parce qu'elle n'a pas des trompes, c'est-à-dire les conduits qui transportent les spermatozoïdes et les ovules, qui sont bouchés. La femme peut avoir aussi des problèmes de la place où va loger l'enfant pendant 9 mois, c'est-à-dire la cavité utérine. La femme aussi peut avoir une stérilité parce qu'elle n'a pas tout simplement un utérus, c'est-à-dire une femme qui est créée avec une anomalie congénitale. La femme aussi peut être stérile parce qu'elle a des troubles d'ovulation, c'est-à-dire que ses ovaires ne fonctionnent pas très bien. La femme aussi peut être stérile parce qu'elle a une anomalie de l'appareil génital, des organes génitaux externes. La génétique et l'anatomie sont quelques-uns des facteurs en rapport avec la stérilité masculine. Pour l'homme, le plus souvent, ce sont plutôt des anomalies de la spermatogénèse, des spermatozoïdes qui sont en nombre insuffisant, ou bien des spermatozoïdes qui ne bougent pas jusqu'au niveau de la trompe où se fait la fécondation, ou bien ça peut être tout simplement des spermatozoïdes qui connaissent une infection, ou des spermatozoïdes qui n'ont pas de forme normale parce qu'un spermatozoïde normalement doit avoir une flagelle, c'est-à-dire qui lui permet de bouger dans la glaire cervicale jusqu'à rencontrer l'ovule féminin. Tout en sachant que chez les deux, la stérilité peut être causée beaucoup plus par l'âge. Au-delà de 35 ans, la fécondité de la femme diminue d'environ 40%. C'est comme aussi chez l'homme, même si l'homme ne fait pas d'andropause, si l'homme aussi peut connaître une infécondité parce que justement ces spermatozoïdes sont devenus trop peu nombreux ou tout simplement qu'ils ne peuvent plus bouger à cause de la vieillesse des gamètes. D'après le gynécologue, il Innocent Daikounda, le traitement va reposer beaucoup plus sur la prise en charge de ce qui a causé cette infertilité. Il faut d'abord faire le bilan de stérilité pour savoir qu'est-ce qui empêche le couple tel à avoir un enfant. Si il y a une stérilité qui est liée à une infection, il faut traiter cette infection. S'il y a une stérilité qui est liée à l'ovulation, il faut essayer d'aider la femme à avoir des bonnes ovulations. S'il y a une stérilité qui est liée, par exemple, à une anomalie congénitale comme l'absence de l'utérus, l'absence du vagin, là, on ne pourra plus traiter. S'il s'agit d'un homme qui a des spermatozoïdes et qui ne bouge pas, parfois on leur donne des médicaments et ça bouge très bien. Ou bien tout simplement, à la fin, ce qui est possible, c'est de faire ce qu'on appelle l'assistance médicale à la procréation. Le docteur Innocent Daikounda conseille au couple d'aller consulter le plus tôt possible et en même temps, parce que l'infertilité n'est pas un problème individuel, mais plutôt une question qui concerne les deux. À 13h15 dans le studio de la radio Isanganiro. Point final à ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Merci également à Eli Kadogo qui a assuré parfaitement la mise en onde. À toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Je dis merci et un très bon après-midi à tous et à tous. Au revoir.